dirigé par Giancarlo Guerrero. Un Sibelius lumineux. Réservation maisondelaradio.fr. Bonjour Nagui. Quel est le programme? Oula, comme ça, ça réveille. Je suis en rouge, ça va? Ouais, ça va. Ok, ça va. Cool. Nous recevons Richard Anconina et Tété pour la partie live dans cette émission. Bonne émission, Nagui. En rouge. Il est 11h sur France Inter. Le Flash, Margot Delpierre. Vladimir Poutine souhaite reporter sa visite à Paris, annonce l'Élysée. Le président russe devait venir la semaine prochaine, mercredi, pour inaugurer la nouvelle cathédrale orthodoxe. Son homologue français, François Hollande, avait pensé le recevoir sans jamais le confirmer. La Russie est très engagée dans le conflit syrien. Elle est le principal allié du régime et bombarde la ville d'Alep comme jamais depuis le début de la guerre, il y a 5 ans. 1,5 million d'Haïtiens ont besoin d'aide et vite s'inquiètent les Nations Unies. Le pays est dévasté depuis le passage la semaine dernière de l'ouragan Matthew. Les secours dénombrent au moins 370 morts. Mais les routes sont toujours coupées, les moyens de communication aussi. Difficile pour l'instant aux hélicoptères américains de se poser pour délivrer le matériel humanitaire. La première salle de shoot en France ouvrira ses portes vendredi à l'hôpital Lariboisière à Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, l'inaugurent aujourd'hui. Le but de cette expérimentation controversée, lutter contre la toxicomanie. Dans cette salle, des personnes majeures uniquement pourront consommer de la drogue, mais à moindre risque. Elles seront surveillées par du personnel médical. L'Allemagne, l'Australie, le Canada et bien d'autres pays ont déjà fait ce choix. La visite du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve dans les commissariats de l'Essonne n'a pas suffi à calmer la colère des policiers. Samedi, 4 agents ont été violemment attaqués au cocktail Molotov. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort. Les syndicats appellent les gardiens de la paix à se rassembler ce midi devant les commissariats et à une grève du zèle. Emmanuel Cos va rétablir la mesure phare de son projet de loi Égalité et Citoyenneté, une mesure pourtant retoquée par le Sénat. Elle consiste à accorder 25% de logements sociaux aux plus modestes dans toutes les communes de plus de 30 000 habitants, des logements situés dans des quartiers non prioritaires, c'est-à-dire des quartiers qui ne sont pas les plus pauvres, tout ça dans un souci d'égalité territoriale. La ministre du Logement a décidé de repasser le texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. La ministre de la Santé et Marisol Touraine le souhaitait depuis 4 ans, c'est fait. Les paquets de cigarettes neutres arrivent dans les bureaux de tabac. Ils ont une couleur unique et plus de logo. Pour l'instant, seules quelques marques sont disponibles en paquets neutres. Tous ceux qui possèdent un Galaxy Note 7 sont priés de l'éteindre. Samsung arrête complètement les ventes. Beaucoup de produits ont explosé, les batteries ont pris feu. Une catastrophe commerciale pour le premier fabricant mondial de smartphones. Début septembre, Samsung avait déjà rappelé 2,5 millions d'exemplaires. Le high-tech n'est pas le bienvenu dans les ministères du Royaume-Uni. Les ministres britanniques n'ont pas le droit de porter une Apple Watch au poignet. La montre connectée d'Apple contient un petit micro. Les conversations du gouvernement pourraient être écoutées. Les autorités ont donc préféré l'interdire. C'est une courte mais précieuse victoire. Les Bleus l'ont emporté 1-0 face aux Pays-Bas hier soir. Un match important pour décrocher sa place au Mondial 2018. L'équipe de France de football est désormais première du groupe A. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce mardi, dessins et lignes pas très claires avec Zep qui signe Un bruit étrange et beau et puis Expo Magritte avec le dessinateur François Olischleger. Et en deuxième partie, radicalisation au programme, oui, celle des jeunes au Front National. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. France Inter, on aime, on vous en parle. À présent, le nouvel album de Vincent Delerme. Libyenne, signe qui penche, et noire, de tennis blanche. L'idée au départ sur l'album, c'était de faire comme un état des lieux, à présent, des choses qui comptent pour nous, de ce qui nous remue en fait. Je ne veux pas mourir ce soir. Simplement, on en est là et on ressent quelque chose de fort. Vincent Delerme sera en concert à la Cigale à Paris les 28, 29 et 30 novembre et en tournée dans toute la France. Retrouvez-moi dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, il est 11h05, tout de suite, la bande originale, c'est à vous Nagui. Merci Margot Delpierre, le problème c'est qu'on a eu un gros débat autour de cette table, savoir si c'était Margot OT ou AUX. Ah, c'est OT, merci de demander. C'est la moindre des choses. Margot. Margot. C'est ça. Yes, Margot. À tout à l'heure, midi pour d'autres infos, merci Margot. À plus. C'est la bande originale, oui. Avec Leïla Kamboudadji, Tom Villa, bonjour. Oh, qui est bête. Frédéric Zilis, Daniel Morin, Richard Lambert, tout à l'heure en live il y aura Tété, notre invité Richard Anconino. Bravo. Il est en forme quand il fait ça. Je crois j'ai dormi plus de deux heures. Attention. On a jamais. Ouais, t'as pris du café en plus. C'est trop café. Et puis il a pris une douche. Non. Aucun invité n'a jamais été accueilli comme ça. Putain, c'est bien. Ouais. C'est très bien. J'étais calme. Je suis arrivé très calme. Très il, posé. Sort, il sort du bureau de bloc si tu veux. Donc à un moment donné, il y a. Ah ouais. Oh, ah chez ouais. La patronne. Ne vous laissez pas impressionner. Par le bloc. Pourquoi Tom Villa? Pourquoi avons-nous invité Richard Anconina? Est-ce qu'au moins vous l'avez compris? Bah oui, parce qu'il vient pas nous présenter la vérité si je m'en quatre. Alors, Richard Anconina, vous venez nous présenter la loi de Christophe qui sera diffusée ce soir sur France 3 et je suis super déçu. Pourquoi? J'ai pas, j'ai pas fini cette phrase. Au revoir. C'était la bande originale. J'ai dit bonjour, très poliment, très gentiment. Non. Moi qui pensais qu'on avait enfin fait un biopic sur Christophe Rocancourt, et bah que dalle. Et bah depuis qu'on attend qu'il nous explique sa conception de la loi, ça méritait au moins une heure et demie juste pour l'intro. Et bah rien du tout. La loi de Christophe fait partie de la collection La loi 2, diffusée sur France 3. Et ça cartonne, ça pète tous les scores. Résiliez vos abonnements sur Netflix et sur France 3 que ça se passe. Hein. De toute façon, il y a deux trucs sur France 3 qui cartonnent en série. Il y a La loi 2 et il y a Les meurtres A. Et à cause de France... Non, mais c'est vrai. Attends, excuse-moi. T'as fait quoi comme bruitage, là? Pardon? C'est une fermeture éclair. C'est vrai? Refais-le. Je faisais comme une vieille, je regardais dans mon sac à main. Non, mais d'accord, mais on avait juste l'impression que t'avais des problèmes gastriques. Bonjour, c'est Nagui. Non, dans l'autre sens. Non, c'est dans l'autre sens. Non, t'exagères, tu l'as mal fait. Ça suffit. Tu l'as mal fait. On est en direct. J'ai quand même beaucoup de pitié pour Tom. J'ai pas ton nom. Non, je vais les retirer par contre, pour le bien de. Donc, je disais. Non, sur France 3, ce qui cartonne, c'est les meurtres. Ah, il y a eu des meurtres partout en France. Il y a eu Saint-Malo, Rocamadour, Rouen, Guérande, Étretat, Carcassonne, Collioure, La Rochelle. C'est plus une série, c'est le planning du Tour de France. La moralité de tout ça, si vous habitez dans un bled de moins de 50 000 habitants, feriez mieux dégager très très vite fait. Et François a même fait meurtre à Avignon. Et dire meurtre à Avignon au lieu de meurtre en Avignon sur la chaîne de questions pour un champion et des chiffres et des lettres, c'est couillu quand même. Il paraît que t'es plus obligé de dire en Avignon. Oui, mais quand même. Non, c'est passé. Ouais. Ouais, c'est la différence qu'il y a entre la ville et la région. Tout voilà. Se paie. C'est la faute à Hollande, ça. C'est la faute à Hollande. À l'époque des papes, et dans les prochains meurtres A, véridique, il va y avoir meurtre au carnaval de Dunkerque. Et je connais déjà la victime, c'est la langue française. Alors revenons à vous, Richard. Vous, c'est pas les meurtres, mais c'est ce qui se passe après avec la collection La loi 2. Alors avant vous, il y a eu Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Daniel Prévost. Du coup, je pensais que le critère, c'était d'avoir un nom qui finissait en haut. Je me suis dit, logiquement, le prochain, c'est Roland Giraud, Jean Reno, Laurent Romeschko ou Jean-Paul Belmondo. Mais bon, pour Belmondo, on aurait appelé ça La loi 2. Comment je m'appelle déjà? Mais bon, du coup. Richard, aujourd'hui, pour pas péter le délire, on va vous appeler Richard Anconino. Alors, Richard Anconino, après avoir joué des voyous, des flics, des juifs, mais aussi des juifs pas vraiment juifs, cette fois, vous revêtez la robe, et en pleine polémique sur la théorie du genre, moi, je trouve ça hyper courageux. Surtout que depuis les dernières déclarations du pape qui s'insurge contre les garçons qui veulent devenir des filles venant d'un mec qui lui-même se balade toute la journée en jupette avec d'autres mecs en jupette, c'est quand même gonflé. Le pitch de la loi de Christophe. Mais tu respectes rien. Non. Richard Anconino, vous jouez Christophe Vitari, un avocat de renom. Un avocat de renom peut-être, mais avec un nom de coureur, de cycliste, de l'AG2R, la mondiale tout de même. Ah ouais. Christophe Vitari dirige un cabinet prospère et le dossier de presse nous dit que c'est un avocat réputé qui ne passe pas inaperçu dans les salles d'audience. Voilà, tu m'étonnes, il ressemble quand même vachement à Richard Anconina. Vous retrouvez à devoir défendre Katia, une jeune cadre d'une entreprise de papier qui est soupçonnée d'avoir assassiné le directeur d'une des usines. Alors comment a-t-elle fait? Est-ce qu'elle l'a planté avec une cocotte en papier? Est-ce qu'elle l'a torturé en lui coupant la peau entre les doigts avec des feuilles A4? A-t-elle saboté la photocopieuse? Y a-t-il eu bourrage papier? La réponse ce soir sur France 3. Bref, si vous aimez les mecs en robe, les affaires louches et Richard Anconino, la loi de Christophe est faite pour vous. Merci, s'il te plaît. La bande originale, le but sur France Inter. Oui, en effet, vous êtes donc à l'affiche de la loi 2, point de suspension, mais de Christophe en l'occurrence, puisque c'est votre personnage, aux côtés de Noémie Merlant et Didier Flamand. Noémie Merlant étant cette très bonne comédienne que l'on a vue dans Le Ciel attendra, également, qui est en ce moment à l'affiche. Et vous pouvez, en toute confiance, aller voir ce film qui est absolument bouleversant sur l'endoctrinement et la radicalisation des adolescentes, en l'occurrence par Daesh. C'est un film formidable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Pas encore. Non, voilà, pas mais en tout encore. Cas, oui, et Noémie confirme à quel point elle est brillante comédienne. D'ailleurs, c'est le premier truc qui m'a frappé dans cette nouvelle génération de téléfilms, c'est que maintenant, il n'y a pas de débat sur la qualité des comédiens. C'est-à-dire qu'on fait, on a arrêté de faire un peu en troisième ou quatrième division, mais ça joue bien. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment toutes les télévisions sont très sérieuses sur la qualité des scénarios, des scénaristes, des gens qui écrivent, des metteurs en scène. Maintenant, il y a des metteurs en scène extraordinaires qui font de la télévision. J'arrive pas à dire téléfilm, je dis des films pour la télévision. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ont vu, entre guillemets, des films il y a 30 ans, comme Ciao Pantin, qui l'ont vu sur petit écran. Donc aujourd'hui, l'écran, la technologie... La taille de l'écran ne change pas la qualité de l'histoire. Surtout que la technologie a évolué. Il y a maintenant des grands écrans plats et vous êtes à 2,50 m de votre télé. Ah, mais il y a même des écrans de télé plus grands que des écrans de cinéma dans des petites... non, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la télévision porte de grands sujets, de grandes causes sur Alors, le petit écran. Justement, le problème avec votre série, c'est que nous avons eu la chance de l'avoir vu, il passe ce soir sur France 3, on ne peut pas raconter l'histoire, parce que c'est fictif, c'est une intrigue. On peut dire qui a tué. On peut dire que le personnage que vous interprétez est un avocat qui, plutôt ces dernières années, s'occupe d'affaires, de fiscalité, qu'il a un gros client très important qui n'a pas l'intention de lâcher. Et un patron d'entreprise. Un patron d'une grosse entreprise, l'entreprise Devaux. Et un jour, il est amené à devoir défendre une jeune fille. Stagiaire, pour une histoire, elle est soupçonnée de meurtre. Oui, voilà, on peut au moins dire ça. Oui. Et au sein de cette entreprise-là, dont vous êtes l'avocat général. Et il y a deux intrigues, c'est-à-dire il y a à la fois le meurtre et l'enquête, et de l'autre côté il y a un contexte écologique avec cette société qui pollue plus ou moins pour des questions de rentabilité. Oui, très bien. Alors, pour préciser, c'est que cet avocat-là, c'est un avocat fiscaliste. Il est au sein de l'entreprise pour l'optimisation fiscale. Il fait gagner beaucoup d'argent à son président. Il en gagne beaucoup par la même occasion. Il en gagne beaucoup. Et comme il fait gagner beaucoup d'argent par des fiscalisations à son président, le président le paye extrêmement bien. Il a un confort de vie, un rythme de vie formidable. On a vu la voiture que vous avez. Une belle voiture, un bel appartement. Il cherche à acheter une maison dans le Lavandou, tout va bien. Voilà. Va, et un jour, il y a un meurtre dans cette société. Il y a un meurtre. Il y a une jeune stagiaire de 25 ans qui est accusée de meurtre. Et le président décide de demander à son fiscaliste, avocat fiscaliste et de l'optimisation fiscale, de s'occuper de ce dossier, de la défendre. Pour une seule et unique raison, il veut avoir accès au dossier pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. Donc lui, donc comme il veut, c'est son président... que vous soyez une taupe en fait, que vous soyez l'avocat de celle qui risque de l'attaquer pour connaître le dossier de l'intérieur. Donc il va la défendre, et en la défendant, il s'aperçoit, il comprend des choses... compliqué. Et que son chemin de vie, peut-être, n'était pas celui d'être un avocat fiscaliste. Et sans en dire plus, il faut juste que les spectateurs se méfient de Kevin Spacey dans le film. non, mais du mec qui boit. Il faut toujours se méfier d'un mec qui boit dans un film. J'ai dit, il y a un truc. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série, au-delà de... j'imagine que le succès des précédents épisodes, c'est rassurant. Quand il y a Josiane Balasco, Junio, qui sont déjà les premiers. Enfin, moi, j'avais vu leur film. Donc c'est vrai que ça motive. Vous dites, voilà, ces gens-là que je connais, que je respecte, que j'adore, quand ils sont partis... Ça cautionne. Donc voilà. Donc j'ai lu, voilà. Et ça qu'est-ce est-ce que l'autre point qui est peut-être aussi assez fort, c'est de se dire que ça pourrait arriver à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on se retrouve stagiaire dans une boîte, il se passe des malversations, mais on n'est pas au courant, on est stagiaire, donc on n'est pas dans les gros dossiers, et un incident se passe et on est accusé. Bah bien sûr, on accuse le petit qui va dégager, et puis on va se sortir d'une situation, enfin les gros poissons malhonnêtes et malveillants vont dégager le petit innocent, la petite innocente qui est inoffensive. D'autant plus que la petite innocente en question, c'est pas n'importe qui, c'est une jeune fille qui vient d'un milieu très très modeste, très populaire, qui croit en l'ascenseur social, qui pense que par ce stage, elle va parvenir à élever sa condition future et celle de sa descendance. Qui passe pour une fille qui a les dents qui rayent oui, un tout petit peu. Qui est très motivée. Petite allumeuse, parce que évidemment, dès qu'une fille a une jupe et un chemisier, c'est forcément une allumeuse. Elle est brillante dans son métier, surtout. Elle est brillante, et c'est parce qu'elle est brillante qu'elle dérange. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous l'avez tourné à Marseille. Le cadre aide beaucoup. Alors écoutez, moi, Marseille, je connais depuis très longtemps. Et c'est vrai que cette lumière, cette ambiance, la beauté de sereine. La ville. apaisée. Non, mais apaisée et en même temps romantique. C'est comme tous les ports. Il y a quelque chose de dur, de âpre, peut-être violent, mais en même temps très, très romantique. Voilà. On vous a pas beaucoup vu dans des films à la télévision. Il y avait une raison? Ça va, je sais pas. Quand on parle romantisme, ils comprennent pas. On vous a pas beaucoup vu dans des séries à la télé. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'était les projets n'étaient pas intéressants? Non, on m'a pas. J'ai lu deux trucs qui me convenaient pas, mais c'était intéressant quand même. Mais parce que c'est parce que ça s'est tourné quand même. Oui, absolument, ouais. Vous voulez savoir avec qui? Ouais. Ta cousine. C'est vrai? Oh, il est bien celui-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ta cousine est comédienne? Tu nous caches tout. Non, mais voilà, j'ai pas non plus beaucoup de propositions, mais c'est vrai que quand c'est de qualité comme ça, ça fait envie. Et avec plaisir. Et c'est un nouveau rôle d'avocat, puisque vous étiez avocat dans Police de Piala? Alors j'étais avocat, mais avocat du milieu avec Sophie Marceau et Gérard Depardieu, mais c'était pas le même avocat. Mmh. Cet avocat-là, il a une robe, il plaide à la fin du film, et surtout, c'est que la complexité de ce truc, c'est que quand on a l'habitude de faire des films comme ça, très quotidiens, très parlés, comme ça, comme dans La Vérité si je mens, par exemple, c'est pas les mêmes syntaxes, c'est pas les mêmes phrases, hein, c'est pas possible. Ouais. Donc là, il faut faire attention, bien apprendre son texte, et bien articuler, pas s'énerver. La musique n'est pas la même. Non, ça s'appelle La loi de Christophe. Ça passe ce soir sur France 3 avec Richard Anconina, Didier Flamand et l'excellente Noémie Merlant qu'on vous encourage également à aller voir dans Le Ciel attendra. Leïla, quand on vous a dit que Richard Anconina venait, ou Anconino, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Anconina, j'ai quand même ma famille qui Un peu de respect, s'il vous plaît. J'existe quand même. Je suis là, je vous entends. J'ai eu de César quand même. Vos oreilles ont sifflé. Oh oui. Et oui, et immédiatement, quand je pense à vous, Richard Anconina, et j'ai en tête trois films. Saurez-vous les reconnaître? Dans le premier, vous incarnez Moïse, ouvrier diamantaire à Anvers, très respectueux des règles religieuses, contrairement à son frère Albert, incarné par Michel Boujna, qui renie ses origines juives. Pour vivre comme ça dans cet univers, avec des hommes déguisés en femmes, que le feu du ciel vous anéantisse. Tu m'emmerdes, Moïse! Pour qui tu te prends? Michel Boujna et vous dans Lévi et Goliath, un film de Gérard Rouri. C'est une belle phrase, ça. Tu m'emmerdes, Moïse, pour qui tu te prends, j'adore. Sors de l'eau. Ça, c'est surtout qu'elle a dû se prononcer cette phrase. C'est comme Salomon, vous êtes juif. C'est fort. Le film est complètement dingue. Il y a Briali aussi. Ça aurait peut-être du mal aussi à exister aujourd'hui, parce que. Ouais. Non? Je sais pas. Bon, c'était en 87. Il y a la comédie quand même, il y a le truc de la comédie. C'est Daniel Thompson à ce micro qui nous avait dit qu'aujourd'hui, Rabbi Jacob, ça serait plus possible de monter un tel film et de le tourner et de le sortir. Étant donné la triste ambiance actuelle. Je ne sais pas. Elle est partie. D'ailleurs, c'est Daniel Thompson qui signe le scénario de Lévi et Goliath et les dialogues. Un autre film, cette fois-ci, vous n'êtes pas le croyant de l'affaire, vous êtes le goy. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail, je suis dans la merde. T'as qu'à passer à la boutique parce que. Qu'est-ce que tu fous là? C'est de la merde ça, de l'âge-papa! Ce jour-là, c'est un enfer. Ah bah oui, là, ça va avec. C'est le même pour Patrick Bruel. La vérité si je mens, on a reconnu la voix d'Eli Kaku et apparemment ce jour-là c'était un enfer, c'est ça? Non, parce qu'on a eu un fou rire qui n'en finissait plus, on pouvait plus s'arrêter. Je souhaitais, je priais. je me disais, mon Dieu, il faut que j'arrête de rire. Il faut que j'arrête de rire. C'est pas possible. Je ne pouvais pas regarder. Au début de la scène, je ne le regarde pas. Je regarde par terre. Est-ce que vous êtes une victime des fous rires ou est-ce que vous voulez déclencher les fous rires? J'ai aucune technique sur les fous rires. Le plus salopard, c'est Bruno Solo. Il sait que je suis fragile sur les fous rires. Et juste avant le clap, il y a le clap qui va arriver. L'annonce est faite. Il me dit, je te dis un truc après. Et là, je te regarde. Et donc vous êtes super fragile. Voilà, Il y a la fatigue. Et un dernier film, autre tonalité. Attends, pardon, mon appel est chute. Il a fait quoi pour vous, Bruno Solo? Il fait quoi pour vous faire? Je me souviens pas, mais il me dit. Parce qu'on sait que Depardieu lâche des caisses, par exemple. Non, mais là, il me dit des trucs. Non, il n'y a pas de caisses. C'est de l'anecdote. Non, c'est horrible. Non, Depardieu est célèbre pour chaque fois qu'il y a un moteur et qu'il y a un clap, il lâche une caisse et les cahiers du cinéma. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit, je suis désolé. J'ai tourné avec Doyon, s'il vous plaît, avec Pierre. Mais Richard, allez-y, remontez. Donc voilà, je sais pas pourquoi ça se passe sur le tournage. Il y a pas de. Et Likaku, moi juste à chaque fois que j'entends cet extrait, j'entends sa voix, je fonds de rire. Autre tonalité à présent, vous êtes Youssef Ben Soussan, un jeune dealer qui croise le chemin d'un. Vous cherchez des problèmes. Hein. Poursuivons l'apparition des grands acteurs comiques français. Après Rému, Fernandel et Bourvil, le nouveau visage de Coluche. Paumé, tendre. Violent. Tendre, violent, apparemment vous en prenez une dans Ciao Pantin. C'est Daniel Morin qui faisait la bande-annonce. mais je trouve que la bande-annonce est assez touchante, un truc d'époque. Ciao Pantin, de Claude Berry avec Coluche, Agnès Soral, Philippe Léotard aussi, musique de Charles-Élie Couture, c'était en 83. Et apparemment vous en prenez une bonne dans Ciao Pantin, Coluche, vous en collez une bonne. Une bonne claque. Ouais. Ouais. C'était une vraie. Ah, c'était une vraie, c'était la première. Comme la gifle de Ventura. La première claque, enfin, on essayait de la truquer parce que le décor était petit, donc c'était compliqué de tricher avec la caméra. Donc j'ai dit à Michel, écoute, on va pas se casser la tête, tu me la donnes et puis c'est tout. On va pas se casser la tête, tu vas casser la mienne. Donc j'ai dit, vas-y, on a tous pris des gifles, on va aller, tu vas, puis c'est tout. Donc je m'attendais pas à ça, lui non plus d'ailleurs. Donc j'ai pris une gifle, mais monumentale. J'avais vous savez, les petits trucs brillants, les petites mouches autour des yeux. Non, les petits points avant qu'on tombe dans les pommes. Voilà. En fait. Ça, et donc il y avait ça, et j'avais du texte. Il fallait que je dise mon texte. Mais ça allait donc bien le texte, parce que vous êtes énervé après la gifle. Ah oui, je me suis repris. Ouais. Enfin, je suis quand même tombé du tabouret, j'avais un petit tabouret. Ouais. Je suis tombé du tabouret. Ouais. J'ai réussi à dire le texte. Il y a eu combien de prises? Il y a eu 3 prises. Donc, Claude Berry dit c'est génial, c'est super. On va juste en refaire une autre fois. Et là, tu dis. Si j'ai le temps de passer chez mon dentiste, juste avant. Non, tu dis raccord maquillage pour enlever les traces de doigts sur la joue. Et raccord molaire. Coluche, il était mignon parce qu'il a dit écoutez, accrochez-vous bien parce que là, franchement, Richard, il a mal et moi, ça me fait encore plus mal de lui donner. Donc, on va en faire une autre en vitesse et puis après, on se casse. Donc, il me donne la gifle, mais sauf que le corps, il sait que tu vas prendre. Et lui, le sien, il sait que ça a été fort. Alors, il ralentit au dernier moment, il triche un peu la gifle. Moi, je la vois arriver, je triche un peu la réception. Il me griffe l'œil. C'est une horreur. Coupé, non, ça va pas. On recommence, aïe, putain, la vache. Et ça a été. Là, on a pris la première prise. La première prise a été finalement la bonne. En plus, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que les réalisateurs, souvent, vont dire elle est bonne, on la refait. Oui, pour sécurité. T'as juste envie de dire mais pourquoi qu'on la refait si bah, Michel, il avait dit ça, il a dit il y a la raccoon dans le film. Hein. Donc ça suffit. Et là, Depardieu arrive. On est dans la bonne, vous êtes dans la bande originale. Richard Anconina est notre invité, il est ce soir à l'affiche de La Loi de Christophe sur France 3 à 20h50 aux côtés de Noémie Merlan. Et dans notre bande originale ce matin, ça sera d'ailleurs la bande originale de votre matinée, la musique de Tété va résonner avec Pierrot Lunaire. Tété en live, pardon. C'est l'histoire d'un ange déchu, perdu entre vice et vertu. Question du jour, c'est salutaire. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Tant d'indolence bafouée, de joie ou pilori cloué. C'est faire le lit de la misère. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Où diable l'ai-je donc rangé? l'enfant d'hier et sa lumière. À Paris, Dublin, au Tanger, qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? Qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? Na na na na na na na. Acculé, j'ai mis sur le coup les meilleurs limiers du secteur. Fox, Mulder, NSA et tout. J'ai les moyens, je connais l'auteur. Je confesse, on l'aura compris. L'ange du loup déchu, c'est Bibi. Chanteur sous vide en quarantaine. Depuis qu'il n'y a plus de pierrot lunaire, sa vie limite à l'idée fixe. Cette innocence qui va mourante. J'ai déposé une plainte contre X, assortie d'une main courante. Le dino mort, j'ai rien motus. Hommage à ton imaginaire. D'ici là, on se voit sur l'opus. Au bout du tunnel, la lumière. Na na na na na na na. Da da da da da. Da da da da da. Au bout du tunnel, la lumière. Na na na na na na na. Da da da da da. Pour l'heure, je vous dis pas ensemble, nous nous reverrons, parole d'homme sur le projet pierrot lunaire. Oh, quand le réel confine au mystère, les gens au bout du tunnel, la lumière. L'album de Tété s'appelle Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Viens, je t'en prie, Tété, Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Il vient de sortir début octobre ce nouvel album. Ah oui, c'est vrai que t'as les. Il a les chronos. Quand il marche. Ouais, bracelet magnétique. Bracelet électronique. Voilà, je suis en vacances. J'ai opté pour un certain dénuement, mais avec un sens de la mise en scène. Je vois. Au moins, c'est bien, c'est fidèle. Ces chroniques-là, c'est le sixième album, nouvel album. L'album de Tété, on est évidemment, dès qu'on entend Tété ou dès qu'on entend ce nom, on a en tête cet énorme succès. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Ah, c'est vous ça? On est ravis de vous accueillir. C'est moi qui ai commis cette chose. C'est pas Julien Doré. C'est magnifique. Mais c'est un tel succès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de cette chanson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des générations, même certains qui n'ont pas connu le succès au moment où c'est sorti. Sorti en quelle année d'ailleurs, Faveur d'automne? Ouais, c'est sorti en 2003. En 2003 sorti, ouais, bah, voilà. Et bah, y a des gamins qui devaient avoir 5-6 ans à l'époque, ouais, qui connaissent cette chanson par cœur. J'ai vu des candidats dans un jeu que je ne connais pas venir chanter par cœur les paroles de votre chanson. Ça, oui, doit faire un truc bizarre. Merci ça. D'ailleurs, c'est c'est droit d'auteur. T'es la SACEM, dis merci. On paye les droits d'auteur et les droits d'éditeur. Bah, en fait, en parlant de SACEM, je suis passé dans une émission l'autre jour où ils ont compté pour moi le nombre de morceaux que j'avais déposés. On est arrivé au chiffre de 200. Et c'est vrai qu'une chanson comme ça, c'est une porte ouverte sur les 200 autres chansons. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ça fait 5-6 saisons. Et du coup, on sait jamais à combien de chansons on doit les 5-6 saisons. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Et c'est vrai que ça reste ça, une porte ouverte avant tout. Alors parlons de ce nouvel album, ouais, cette porte ouverte sur Pierrot Lunaire. En fait, vous avez fait un concept album autour d'un personnage ça, oui, qui a un regard sur notre... monde. Exactement, ça s'est fini comme ça. C'est Pierre Lunaire, c'est l'histoire d'un quadra en fait qui est aux prises avec une réalité qu'il comprend plus. Et il finit par se dire que le problème c'est pas la réalité, mais le regard qu'il porte dessus. Et à partir de là, il va aller de chanson en chanson, essayer de retrouver son regard d'enfant, donc son Pierre Lunaire, le côté un peu rêveur, le côté un peu mélancolique. Et c'est vrai que c'était pas parti pour être un concept album, mais c'est Nicole, ma manager, qui m'a dit à l'écoute des premières chansons, mais il faut qu'il y ait un fil rouge. Et elle me dit, c'est pas assez clair ton truc. Et j'étais frustré parce que je trouvais pas les mots. J'ai dit, mais c'est l'histoire d'un Pierrot Lunaire. Et on s'est regardé, on est bah. Ça voilà. Y est, on a le bonhomme qui a du mal avec la réalité telle qu'il la voit en tout cas. Voilà. Réalité n'est pas mes frères, une armée régulière. J'ai croisé ses yeux dans ma ruyère. Elle voulait pas, l'histoire qui va suivre était familière. En fait, c'est quand même bizarre comme démarche de se dire, si on n'aime pas la vision que l'on a de la réalité, c'est pas la faute de la réalité, on va pas la changer, c'est de notre faute, donc c'est à nous de changer, de retrouver notre regard d'enfant, ce qui est pratiquement impossible, ouais, d'accord. Eh ben, c'est pas une histoire de faute, c'est une sorte de porte d'entrée, pour revenir sur la question de, enfin, sur la phrase d'avant. Ouais. Le regard sur les choses, c'est, je me dis, bah, une journée comme aujourd'hui, par exemple, je regarde pas les infos en ce moment, donc je viens de découvrir ce qui s'est passé ce week-end d'horrible, ce qui est arrivé aux policiers. Mmh. Donc c'est sûr que ma matinée, est-ce que je me concentre là-dessus, je me dis, dans quel monde on vit, ou est-ce que je me dis c'est super, je vais voir Nagui, on va passer un bon moment, faire de la musique à l'échelle, tu voyais ce que je veux dire, à l'échelle d'une matinée. C'est voilà, et c'est vrai que c'est un exemple qui est peut-être un petit peu maladroit, mais je crois que c'est on est inondé d'informations. Ah, si c'était complètement maladroit. On est pas du tout. Merci, mon cher Frédéric. On peut se faire agresser chez Nagui. Hein. On est inondé d'informations. Après, faire un tri entre ce qui nous touche, ce qui nous touche pas, ce que l'on peut faire ou pas faire. On a toujours le sentiment quand même d'être un grain de poussière et que on peut modifier le monde. Et surtout quand on est chanteur, quand on est poète, les chansons engagées. Enfin, vous aimez ça, je le sais. Vous en faites aussi. L'idée d'être chanteur. C'est de se dire une chanson peut changer le monde. C'est de faire résonner un message. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est tous citoyens, consommateurs et avons tous le moyen de changer les choses par notre manière de regarder les choses. Il y a ce truc en lequel je crois beaucoup. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 change le monde. Je crois qu'avec. Avec 5 sur toi. 5 sur toi pour le faire. Il est fiscaliste. Il a travaillé le rôle. Avec un album et des chansons, avec un album et des chansons, je pense qu'en fait on peut parler comme ça en filigrane de nombreuses questions. Tu parlais d'être engagé à l'instant, en fait, je pense qu'on est tous engagés sur une voie dont on ne sait pas bien où elle nous mène. Ouais. Et je crois qu'en fait, cet album-là, sous couvert de choses plus légères, essaie d'aborder un peu ces questions-là de notre temps sans y apporter de réponse, mais voilà, en soulevant ces questions-là et en ouvrant le débat, quoi. Moi, ce que je voulais, au fond, c'est être. Costaud, juste au corps noir, ascendant Gosbeau. Il était là, l'espoir. Non mais il fait croire que c'est un personnage, mais il parle que de lui, hein, du début jusqu'à la fin dans cette chanson. Que soit, personne n'est meilleur à ce jeu-là. Embrasser le temps d'un regard inconnu dans le miroir. Ce miroir, justement, qui est cet album par rapport à vous, est-ce que le texte sort d'abord, la musique ensuite, dans quel ordre vous travaillez, puisque vous faites tout? D'habitude, c'est la musique avant, mais là, avant de faire cet album-là, j'ai eu la chance de travailler avec Simon Astier sur la série HeroCorp, et donc il est venu avec le synopsis. Ah, et il y avait des textes qui étaient déjà écrits, il fallait que je les mette en musique, et il m'a donné des noms d'émotions. C'est vrai que c'était une autre porte d'entrée sur la composition. Et en arrivant, pour revenir à l'album, quand on s'est dit que ça allait être un fil rouge avec chaque chanson qui fait le lead de la prochaine, ben j'ai procédé un peu comme ça. Donc c'est vrai que du coup, là, c'est le texte qui a emmené la construction. Et pour les branchés musique et les professionnels, votre manière d'accorder la guitare a été modifiée. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une manière plus conventionnelle. Open tuning, comme on dit. Je parlais de la magie des rencontres. C'est une histoire très courte. Je suis dans un train, j'ai rencontré un Américain qui lisait le livre de Keith Richards, Life. Ouais, formidable. Il y a un livre qui est fabuleux. Et en fait, ce livre, il me l'a offert, il me l'a envoyé des mois après, et ça a changé le son de l'album. Et alors, effectivement, c'est une manière de s'accorder qui fait que quand on gratte la guitare à vide, ça fait un accord plein. Là où sur l'accordage traditionnel, il faut faire une position de doigt très compliquée. Et c'est le principe des sitars. On a tous en tête le principe des sitars avec cette espèce de résonance. Certains plus qu'on fait ce matin. On le situe. Et il y a cette espèce de résonance de cordes. C'est qu'en fait, il y a tout le temps 4-5 cordes qui résonnent ensemble, et ça permet d'avoir un son un peu plus large. Et c'est vrai que ça a fait le son de l'album. Okay. Tété, l'album s'appelle Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Tété est en concert avec une tournée gigantesque. Tout le mois d'octobre, novembre, vous êtes en tournée, en passant par le Café de la Danse pendant 3 jours, les 28, 29 et 30 novembre prochain. Ça, c'est pour la date parisienne, parce qu'on est des parigots tête de veau. Mais sinon, vous passez aussi tout de suite par Tourcoing, Nancy. Tiens, Fred, il passe chez toi. On est de la région. Hein, mais Marseille, Nice, Lens, il y a Alençon, Brest, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Jouy-le-Moutier, je ne vois pas où c'est Jouy-le-Moutier. C'est entre Marseille et Nantes. Ah oui, c'est bien ça. On va mettre toutes ces dates sur le site de notre invité Tété. Il revient tout à l'heure en live. Merci Tété. La bande originale de Richard Anconina, notre invité, qui est ce soir cette émission sur France 3. Richard, bien sûr, quelquefois on s'emmerde, mais là, en 1900, c'est top. Là. tu parles pour demain. On va parler des années de Richard Anconina et les mettre en musique. Non, je ne sais pas. Oh, Gabon, là, j'ai peur. Je ne sais même pas qui est notre invité. Bon, on a perdu notre invité en tout cas. Ah, bah oui. voici l'humeur de Frédéric Sigrist. C'est gratuit. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, j'aimerais revenir sur la polémique. Reviens. Oui, j'aime bien revenir. Hein, j'aime bien revenir tout court, c'est vrai. Sur la polémique concernant la nouvelle émission de Karine Le Marchand. Ambition. J'ai pas vu. C'est génial. Non, c'est vrai. Ambition intime. Mais ça fait tellement film de cul le nom de cette émission. Si, vous vous rappelez ces films érotiques de deuxième partie de soirée sur M6 où tout le monde s'envoie en l'air mais en slip. C'est vrai. C'est ça, moi ça me trouble énormément. Pour des films érotiques. Non, spécial hommage à Alison. Qu'est-ce que j'ai gaspillé d'enfant sur ces films-là. Non mais bref, faut comprendre. Dimanche soir. Alison Wheeler, notre Alison. Oui, votre Alison. D'accord. Je sais pas si c'est la vôtre, mais voilà. c'est la j'ai bien écouté sa chronique. À propos du. Si elle travaille là, c'est la sienne. Non, à propos du gaspillage de vulves et de spermatozoïdes. Gaspillage d'enfants. Voilà, c'est ça. Donc dimanche soir, on était exactement dans l'esprit du film érotique d'M6. Hein. Ouais. Dans cette émission, Karine tape la conversation tranquille. Avec des hommes et des femmes politiques, un verre de rouge à la main sur un grand canapé crème en mode fréquence star. Oui, alors j'ai vu l'émission, c'est aussi con qu'une émission de Frédéric Lopez, mais sans les figurants africains qui font semblant de voir une caméra pour la première fois de leur vie. Frédéric. Alors c'est bien parce que ça permet aux téléspectateurs de découvrir l'homme ou la femme derrière le politique. C'est-à-dire qu'avant on pensait, ah ce mec-là, je pense que c'est un enfoiré. Après, on en est sûr, mais on sait pourquoi. Il a pas eu de poney. Les premiers invités à avoir subi les coups de langue de Karine Le Marchand. Oui, parce que niveau audace des questions, hein, Michel Drucker à côté, c'est l'inquisition espagnole. Hein. Bon, pour avoir un cul aussi propre, faut avoir des chiottes japonaises. Hein. C'est donc Bruno Le Maire, Arnaud Montebourg, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Et ça, ça n'a pas plu du tout à Patrick Cohen, le Zlatan Ibrahimovic de France Inter, le Pablo Escobar de la formation, qui a accusé Karine Le Marchand d'avoir été complaisante avec Marine Le Pen. Du coup, je me suis demandé... Leçon numéro 7 du manuel de survie dans l'isoloir. Le Front National est-il un parti comme les autres? Bon, on va pas se mentir, Nagui, il y a très peu de chances que les électeurs du Front National écoutent France Inter. Non mais c'est vrai, à moins d'être puni ou d'avoir perdu un pari, je vois pas une seule émission de la grille susceptible de plaire à un militant FN. Peut-être la météo marine à l'époque sur un malentendu, mais sincèrement sur France Inter, on va être honnête, on a autant d'amour pour le FN que Nicolas Sarkozy n'en a pour les élites qui vont acheter des œufs avec un panier en osier. Ah, parce qu'il a sorti ça durant son meeting au Zénith. Voilà, il a dénoncé les élites qui vont s'acheter des œufs avec un panier en osier. Le mec, il habite à Neuilly et tout, il critique les élites. Oh la baltringue. Bref, quand Marine Le Pen rentre dans un studio de France Inter, t'as l'impression qu'elle vient pour un détartrage. Hein. Elle aussi, elle est pas bien. Hein. Non, c'est vrai, faut dire, dès l'entrée, les agents de sécurité lui font des blagues, ils lui font croire que l'ascenseur est en panne. Marine Le Pen, quand elle vient ici, elle vient avec son propre thermos de café, tellement elle a peur que l'un d'entre nous crache dedans. Pourtant, on est gentil. Hein. On essaie toujours de la mettre à l'aise, on dit à Nagui et à Laila de pas venir. Moi, on me met au sous-sol avec une PS4 pour pas que je la croise. Thomas Legrand est sous calmant. Dominique se promet de ne pas rire quand elle va aborder des questions économiques. Bernard Guetta prend des cours de yoga pour pouvoir parler géopolitique avec elle sans s'énerver. Et pourtant, malgré tout ça, elle a toujours l'impression qu'on l'a pas traité comme un autre politique. Et c'est le gros paradoxe du Front National. Il se vante de ne pas penser comme tout le monde, mais veut être traité comme les autres. Alors, des fois, je me fais l'avocat du diable et je me dis, mais finalement, en quoi Marine Le Pen serait finalement plus terrible qu'un Laurent Wauquiez qui prend l'apéro chez Patrick Buisson et qui veut renvoyer les migrants chez eux à la catapulte, qu'un Christian Estrosi qui croit qu'une méduse est un poisson converti à l'islam qui porte une burqa, ou même Nicolas Sarkozy que désormais Jean-Marie Le Pen regarde avec larme à l'œil en se disant « Ah, c'est le fils que j'aurais voulu avoir !» Ah, bien. Ah oui. Franchement, je me pose la question, est-ce que le racisme et l'intolérance passent mieux quand tu changes de parti? Je veux dire, l'intolérance des Républicains serait une intolérance tolérée? Un gouvernement socialiste qui propose la déchéance de nationalité serait moins coupable que quand c'est le FN qui en parle? Mmh. J'ai envie de vous dire, moi, on peut mettre tout le fumier du monde dans une bouteille de parfum Dior, ça n'en changera jamais l'odeur. Et donc, à la question, le Front National est-il devenu un parti comme les autres? Je demanderais plutôt, est-ce que les autres partis ne sont pas en train de devenir un Front National comme les autres? Oh yeah. Oh. France Inter, la bande originale. T'as compris, Richard? Ben voilà. C'est France Inter, c'est Frédéric Sigrist. Il a cité Dior, hein, quand même. Hein. À partir du 13 octobre, au Funambule, à 21h, c'est une mise en scène de Guillaume Meurice. Si on retrouve Fred Sigrist. Ce serait pas après-demain, le 13? Exactement. Eh ben oui. De Dodo et Frédéric. Ouais. Tout simplement. Voici les années en musique, quelques années comme ça, qui ont peut-être compté dans votre vie. À vous de nous dire, Richard Anconina, si par exemple, en 77, lorsque vous écoutiez... Toute petite anecdote sur cette chanson. Ouais, je suis sûr. Parce qu'il y a une publicité, on avait passé ça dans l'émission avec Michel Simès sur France 2. Il y a une publicité pour sauver des vies qui dit que lorsque quelqu'un tombe d'un malaise cardiaque à côté de nous et qu'on n'est pas secouriste, au moment de faire le massage cardiaque, c'est-à-dire d'appuyer avec les deux mains sur le cœur, il faut le faire en tempo sur Staying Alive. Remets-le au début, s'il te plaît, mais au tout début du morceau. C'est ça que je veux te raconter. C'est que j'ai une copine qui n'est absolument pas secouriste, et l'autre jour, elle marche dans la rue, il y a une dame qui tombe devant elle, et là, elle est prise de panique en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Elle a dansé dessus, elle est morte. Et cette copine travaillait sur l'émission, et elle s'est souvenue de la pub anglaise que l'on avait passée, et le tempo, c'est ça. Il n'est pas trop compliqué à retenir. Vas-y, envoie-le, le Staying Alive. Tu peux pas? Tu veux qu'il meure? Voilà. Et tu tapes sur ça, sur ce tempo-là, et le cœur a véritablement redémarré de la dame, et elle a sauvé une vie. Donc c'est vraiment des anecdotes. C'est-à-dire, les Anglais ont vraiment des pubs souvent déjantées et trash sur les accidents de la route. Et là, comment sauver la vie? Le titre, c'est Staying Alive, c'est Reste en vie. Moi, je m'étais dit, c'est une vanne. Médicalement, c'est le tempo qu'il faut donner pour le battement du cœur. Voilà, si tu veux le tuer, tu prends du Christophe Maé. Ouais. On s'attache. Et on s'abandonne. Revenons donc à 77, l'année où vous voulez devenir acteur. Vous vous souvenez exactement, il y a un jour précis où vous vous êtes dit, c'est le métier que je veux faire? Je me souviens quand je l'ai annoncé. Ouais. Quand je l'ai annoncé à mes parents. Pourquoi c'était difficile de leur dire? Non, pas du tout, non. Parce que j'avais un autre métier et que voilà, que j'ai décidé de faire passer le pas. Et ma mère a une phrase très jolie, elle m'a dit « Mais comment tu vas faire? On connaît personne. » Ah ouais, c'est une maman. C'est une phrase de maman. C'est une phrase de maman, ça. Staying Alive, ça faisait partie de la musique que vous écoutiez dans ces années-là? Ouais. Quand j'étais au cours, il y avait cette musique, il y avait le film. Voilà. 1983, l'aventure Ciao Pantin, et pendant ce temps-là, Richard Anconina, écoutez. Manhattan Transfer. Ah ouais. Entre autres. Hein. Oui, non, c'est mais magnifique. Il faut bien retenir une musique. Rap. Est-ce que vous écoutez de la musique lorsque vous voulez rentrer dans un rôle, dans un personnage? Est-ce que vous mettez en condition? Est-ce que lorsqu'on fait des comédies, on écoute des musiques plus enlevées? Lorsqu'on fait Ciao Pantin, on écoute peut-être, je sais pas, du blues? Non, j'écoute pas. En revanche, sur certains plans sans texte, certains metteurs en scène mettent de la musique sur le plateau. Et c'est vrai pour aider à être dans l'humeur? Parce qu'on marche pas pareil, on n'a pas le même rythme. On regarde pas pareil, on se retourne pas pareil. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, pour, qui va être commun à tous les acteurs. D'accord. Parce que tout le monde est bercé par, par la même musique. Et je savais, tous les metteurs en scène ne font pas ça. Je savais que pour les scènes, non, je savais que pour les scènes en boîte de nuit, en fait, vous dansez sur du silence. Parce qu'il y a des dialogues et la musique est rajoutée après. Voilà. Ce qui est un peu bizarre. Donc il y a des gens. Donc tout le monde danse, tout le monde fait semblant de se parler dans un restaurant, tout le monde se fait parler alors qu'il n'y a pas de son. Ça, c'est très compliqué. Est-ce que Claude Berry mettait de la musique sur Charpentin ? Non, non, non, pas du tout. Pas. En revanche, son fils Thomas Langman a mis de la musique sur certaines scènes. Et muette. Pour en revenir sur Charpentin, c'est Coluche qui vous a entre guillemets parrainé. C'est lui qui a proposé votre nom à Claude Berry. Exactement. Voilà. C'était moi. J'étais ami avec Michel depuis 5 ans, donc on se fréquentait. Grâce à Gérard Lanvin. Grâce à Gérard, voilà, qui nous avait présenté Gérard Lanvin. Et puis bon, Michel un jour lit ce livre et puis voilà est convaincu. Qui pourrait porter ce film à l'écran, ce personnage, le personnage de, qu'il joue, Lambert. Et puis en même temps, il y a Claude, voilà, j'ai le personnage de Ben Soussan, je l'ai, donc voilà. Alors là, vous avez dit que vous écoutiez Chansons d'amour de Manhattan Transfer, et justement, l'histoire d'amour, c'est un peu le problème de, du moment pour vous à cette époque-là. Vous avez vécu une rupture amoureuse. C'est Coluche qui vous a. Quoi ? Donc c'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est bizarre. Non, mais c'est mignon. Non, mais je sais pas, j'en ai jamais parlé, comment vous savez ça ? C'est mignon. C'est mignon. On a reçu Coluche la semaine dernière. Vous en avez forcément parlé, mais si on est au courant. Ah oui, c'est dans une revue de presse qu'on a vu ça. On lit tous les articles. On se permettrait pas. Ouais, alors je dois faire quoi là ? Je dois dire, je dois expliquer quoi ? Vous devez nous mimer la rupture. Paraît-il, vous étiez à ramasser à la cuillère un soir avec Michel. Ah là, il y a des gens qui ont parlé. Oui, j'étais très, très affecté par la séparation. Ouais. Et Coluche était là. Michel était là. Michel, il m'a dit une phrase extraordinaire parce qu'il nous connaissait tous les deux, ma fiancée de l'époque et moi, donc on se voyait tout le temps. Et quand j'ai annoncé ça à Michel, il m'a dit « Écoute Richard, la grande histoire d'amour, l'amour avec un grand A, le seul, l'unique, il m'est arrivé 17 fois. » Ah, ouais. Donc... C'est joli. Ouais. C'est joli, ça remonte le moral. Oui. Enfin, un petit peu. 3 minutes. Il y a eu deux César quand même pour. Pour Charpentin, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça remonte le moral, ça aussi, quand même un peu. Oui. Ouais. Ouais. En 1990, Richard Anconina écoute. C'est la voix. Oui, oui. Casser la voix. Casser la voix. Coluche. C'est un pote ? C'est Patrick Bruel ? C'est un copain, bien sûr, mais c'est vrai qu'on se voyait beaucoup à l'époque. Est-ce que vous écoutiez les chansons avant qu'elles sortent ? Est-ce que vous avez écouté Casser la voix avant que le disque ne soit sorti ? Non, non, pas à ce point-là. Mais c'est vrai qu'on se voyait beaucoup à l'époque, et quand Patrick a sorti ça, ça a été un tel phénomène, on n'en revenait pas. En plus, jouer dans la bande de potes, ça doit faire plaisir. Voilà, exactement. Un copain qui... Il y avait Florent Pagny, qui avait sorti 10 mois, juste avant, je crois. Ouais. Et déjà c'était très fort, déjà on se fréquentait tous, enfin, on se voyait. Et puis voilà, puis ensuite il y a eu ça à Patrick, c'était énorme. Voilà. À ce moment-là, en 90, vous tournez avec Jacques Doyon dans Le Petit Criminel. Oui. Vous avez dit que vous étiez surpris, touché, étonné que quelqu'un comme Doyon, oui. Cinéma d'auteur on va dire, voilà. Fasse appel à vous, acteur populaire. Absolument, voilà. J'étais identifié comme un acteur populaire qui fait des grands films avec beaucoup de monde, beaucoup d'entrées, avec des grosses stars populaires. Et c'est vrai que je ne pensais pas qu'un garçon comme Jacques Doyon penserait à moi. Il avait plutôt l'habitude de faire des trucs un petit peu comme ça, intimistes, un peu intello. Et j'ai trouvé qu'il avait eu une bonne idée. C'est bien quand quelqu'un s'ouvre à un autre, ouais, c'est ça, un autre genre. Une ouverture d'esprit. Voilà, il aurait pu prendre quelqu'un dans mon genre. Il aurait eu quand même une bonne idée. Mais là, c'était moi. L'ouverture d'esprit, elle est dans les deux sens. Que lui, vous choisissez une chose, que vous acceptiez aussi en disant bien sûr. Je suis attiré par ce cinéma d'auteur. Ah bah, j'avais envie. Bah, j'ai souvent eu des rendez-vous d'auteur. Et quelle est la différence de travail entre un cinéaste dit populaire et un réalisateur dit d'auteur ? Il y a vraiment une grosse différence ou c'est simplement le propos qui change ? Non, je pense que le film était populaire. Le film a été un gros carton pour Jacques. Parce que c'était un film d'auteur intimiste avec un petit garçon qui avait 14 ans et demi, qui était à la DAS. Et donc, on s'est soudés, Jacques et moi, en fait, pour pouvoir protéger l'enfant. Pour pas qu'il déconne, puisque lui, le cinéma, il n'en avait rien à foutre, il n'y avait aucun plan de carrière. Il pouvait se barrer d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, c'est un accord tacite. Une protection psychologique. Voilà, on a protégé le petit. Grande phrase. En 1996. Excellent film. Pascal Obispo, Tombé pour elle. vous écoutiez? Ouais, bah oui, j'écoute toujours. Mais bon, il a quelque chose de... Je sais pas, il a un timbre dans sa voix que j'adore. J'adore. Puis ses chansons, Marie-Lou, c'est extraordinaire. Non, c'est pas lui, Marie-Lou. Marie-Lou, c'est Michel Polnareff. Non, pas Goodbye Marie-Lou. Non, mais ouais, excusez-moi. Oui, non, mais non, quand il chante l'hommage à Polnareff. Ah, fan. Ouais, fan, voilà. Je pensais à ça et puis je pensais à Polnareff en même temps. Il commence avec l'intro de Lettre à France et qui dit voilà, je me pense souvent à Marie-Lou. Mais c'est, exactement, excusez-moi. Il s'appelle fan. Non, mais je vous avais compris. On a compris. Là, c'est la vérité. Les années, la vérité, si je mens, 96. Ça, c'est un rôle qui est presque tatoué. J'imagine, quand on fait un rôle comme ça, on l'a sur le front. Dans la rue, les gens vous reconnaissent, vous demandent des autographes, vous appellent peut-être par le nom du personnage et plus par votre nom, non, tellement c'est fort. Oh, oui, c'est fort, je suis d'accord, c'est fort. Et en même temps, comment dire, il y en a trois. C'est un succès incroyable. On est 10 dans la bande. Ouais. Et c'est vrai que ça vous colle pas forcément à la peau. Je pense que Itinéraire dans l'Enfant Gâté, par exemple, on en parle tous les jours d'Itinéraire. Et Ciao Pantin, tous les jours. Ça vous a plus marqué dans les yeux du public, hein, je parle dans la rue. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde, c'est plus fort Itinéraire dans l'Enfant Gâté que La Vérité si je mens. Sur une certaine génération, oui. Le problème, c'est que La Vérité si je mens, enfin, c'est pas un problème, hein, c'est que ça accroche toutes les générations. Oui. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui étaient absolument pas nés lorsqu'on a tourné ces films, qui m'ont identifié, ils savent qui je suis, quoi, par ces films-là. Bon, c'est un film choral aussi, donc il y a plusieurs acteurs identifiés forts, alors que dans Itinéraire d'un enfant gâté ou Ciao Pantin, Je suis désolé. Richard, est-ce que dans tous les rôles que vous avez interprétés, et ou la chance même d'interpréter, est-ce qu'il y a un personnage qu'on vous a jamais proposé? Vous dites, j'aurais bien aimé incarner un noir. Je sais pas, un noir, voilà. Non, grand et blond. Il y a plein de personnages qui sont formidables. Si un jour vous me disiez, par exemple, c'est pour prendre un exemple qui n'est pas français, si vous me disiez, est-ce que t'aimerais faire un chauffeur de taxi, je vous dirais a priori, je vois pas ce que je peux faire dans un chauffeur de taxi. Sauf que quand c'est traité par Martin Scorsese. C'est pas la même chose. Il raconte une histoire de la société américaine à cette époque-là. Donc on peut toujours dire. La coupe de cheveux n'était pas la même non plus. On peut toujours dire. J'aimerais faire ça ou ça. Ça dépend comment c'est traité. Et quand c'est Samina Seri, non, ça dépend comment c'est traité. C'est ça. Alors je change ma question. C'est pas un personnage, mais un genre de film. Franchement, j'aime tous les genres. Voilà. Je parle à tout le monde, moi. Donc j'aime tous les genres, que ce soit les intellectuels, les sportifs, les politiques, les gens de la vie normale. Moi, je m'adresse à tout le monde de la même façon, avec les mêmes mots. Donc, qu'est-ce qui fait que vous acceptez Vous pouvez parler entre vous. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou refusez certains projets? Le cachet. Non, pas du tout. ce qui fait, c'est quand c'est bon, quand ça me touche. Ça peut être Doyon, ça peut être Houry, ça peut être Itinéraire, La Vérité, Marshall. La loi de Christophe, tout est possible. Et Jacques Malaterre est un metteur en scène formidable. Lui, hein, qui réalise la loi de Christophe, dans lequel vous êtes un avocat qui se pose même des questions de savoir s'il défend ou pas sa cliente. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, il pense qu'elle est coupable. Et qu'il n'est peut-être pas le mieux placé pour le faire. Il y a un truc qui est en lui. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a un truc qui est en lui, une espèce d'intime conviction. Il pense qu'elle est coupable. Et il ne décroche pas. Alors justement, Daniel Morin, vous qui savez tout, écoute. Quand on est avocat, est-ce qu'on peut refuser de défendre certains clients? Oh, le petit saligo, la question qui tue d'entrée de jeu. Réflexion excellente, mise en abîme vertigineuse, mais totalement à côté de la plaque. Non, salaud. En réalité, la question ne se pose même pas. Quand on est avocat, il faut toujours dire oui, bon Dieu. Mais oui, bien sûr, évidemment. Quand on est avocat, on doit, si son client est tout pourri, devenir tout pourri soi-même. Non, mais vous imaginez si un avocat avait des états d'âme et qui juge son client en plein tribunal. Monsieur le juge, mon client est accusé de détournement de fonds, d'escroquerie, de harcèlement, de maltraitance, de trafic d'êtres humains. Eh bien, après avoir bien étudié le dossier et surtout après avoir longuement discuté avec mon client, je peux vous certifier que tout est vrai. Oui, monsieur le juge, je le confesse bien volontiers, je suis là devant vous en tant qu'avocat d'une belle ordure. Oui, un fumier de la pire espèce, une pourriture sans nom. Oui, c'est de toi que je parle, espèce de sous-merde. Eh bien, j'espère, monsieur le juge, oui, j'espère bien que vous allez me le condamner au maximum du maximum, qu'il aille en tôle faire son mariole sous la douche et comprendre ce que c'est que la douleur, l'effroi et le mitosil. Oui, j'ai bien défendu des empaffés, mais là, c'est le pompon, c'est le top du top. À côté, Émile Louis, c'est Christophe Maé. Je sais bien qu'elle n'existe plus chez nous, mais permettez-moi d'en faire quand même la demande. Je souhaite pour mon client la peine de mort. Eh bien, ça ne va pas, monsieur Guinon, ça ne va pas. On défend, on défend. J'en parlais hier avec un pourri du barreau qui me disait « Moi, mon meilleur client est un escroc plus actif que Balkany qui partage la notion de respect des droits de l'homme avec Bachar al-Assad. » Eh bien, je le défends quand même. Déjà parce que mon métier, c'est mon métier. Et aussi, et surtout, parce que le type, il paye hyper bien, toujours en cash. Ah non, pour ça, il est hyper réglo, Nagui. Comme quoi, comme quoi, monsieur Guy, bien que vous soyez au courant, ça oui. ne m'empêche pas de vous dire une fois de plus ce que vous avez dit. N'importe quoi. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Pierrot Lunaire, c'est le nouvel album conceptuel de Tété qui s'appelle Les Chroniques de Pierrot Lunaire. C'est l'histoire d'un ange déchu, perdu entre vice et vertu. Et il nous offre une reprise de 4-5 Seconds de Rihanna, Kanye West ou McCartney seul à la guitare. Merci pour ce cadeau. Voici Tété dans la bande originale. Wouhou! Tell me more than

incarcérés pour des crimes violents facilite le passage à l'extrémisme violent. Les policiers appelaient à une grève du zèle aujourd'hui et aussi à se rassembler ce midi devant les commissariats. Les syndicats de gardiens de la paix sont toujours en colère après l'attaque violente de samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 4 agents ont été blessés par des cocktails Molotov. Le pronostic vital de l'un d'eux est toujours engagé. Le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont déplacés dans le département hier, mais ça n'a pas suffi à calmer les tensions. On en reparle dans le journal de 13h avec Bruno Béchiza, maire d'Aulnay-sous-Bois et ancien officier de police. La ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, ne renoncera pas à la mesure phare de son projet de loi. Elle souhaite que 25% de l'habitat social soit accordé aux plus modestes dans des quartiers non prioritaires. Ça concerne toutes les communes de plus de 30 000 habitants. Les ménages les plus pauvres sont souvent logés dans les quartiers les plus pauvres et ça doit changer, estime la ministre, qui souhaite plus d'égalité territoriale. Consommer de la drogue dans un hôpital, ce sera bientôt possible. La première salle de shoot en France ouvre ses portes vendredi à l'hôpital Lariboisière à Paris. Le but est d'encadrer la consommation. Du personnel médical sera présent. La salle de shoot n'est ouverte qu'aux personnes majeures. Vos céréales du petit déjeuner contiennent peut-être des pesticides soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, des substances chimiques qui interfèrent avec le système hormonal. 15 muesli ont été épinglés par l'association Génération Future. En revanche, rien à signaler dans les céréales bio. Contrairement à ce qu'on peut croire, les grandes marques ne sont pas forcément les bons élèves, Sophie Auvigne. Avec ou sans marque, ça ne change rien. Kellogg's de Nestlé, Jordan's ou les marques distributeurs de Carrefour, Auchan, Intermarché et autres Leclerc. Les 15 échantillons non bio contiennent en moyenne 9 pesticides et même une quinzaine pour l'un d'entre eux. Pire, la concentration de ces produits chimiques dépasse de loin, mais de très très loin, les chiffres autorisés pour l'eau potable. 354 fois plus et c'est une moyenne. Alors certes, ce que l'on appelle la dose journalière admissible de ces produits chimiques n'est jamais dépassée pour une consommation classique de 50 à 100 grammes de céréales par jour. Mais l'effet cocktail inquiète les experts, avec des risques d'obésité, d'infertilité, des problèmes cardiovasculaires, jusqu'à des troubles mentaux et des cancers. Et les plus vulnérables, ce sont les plus jeunes organismes, les enfants et les bébés à naître qui mangent comme maman des céréales le matin. On l'a appris il y a quelques minutes, le groupe allemand Siemens va supprimer une centaine de postes, principalement à Grenoble, dans le cadre d'un plan de réorganisation de sa branche Energy Management. Un comité central d'entreprise devait se réunir ce matin à Paris pour enclencher la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi. Si vous possédez un Galaxy Note 7, mieux vaut l'éteindre. Samsung arrête définitivement les ventes. Beaucoup de produits ont explosé, les batteries ont pris feu. Une catastrophe commerciale et industrielle pour le premier fabricant mondial de smartphones. Début septembre, le géant sud-coréen avait déjà rappelé 2,5 millions d'exemplaires. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h, la récréation. Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. Camille Saint-Saëns est la vedette de l'automne. Du compositeur, on joue Samson et Dalila, Proserpine, Le timbre d'argent, Camille Saint-Saëns, Le retour. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site Visal.fr. France Inter, on aime, on vous en parle. Les Inrock Festival, du 17 au 22 novembre. Les Inrock sont de retour cet automne avec les artistes les plus excitants de 2016. Au programme de cette 29e édition du festival, Cassius, Jaguarma, Lescope, Tina Riwen, Paradis, Lys, Formation, Her, Lost Under Heaven et bien d'autres. Les Inrock Festival à Paris et en tournée dans toute la France du 17 au 22 novembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. France Inter, il est midi et 7 minutes, retour de l'information à 13h avec le journal de Bruno Duvic. Ce que j'aime chez Margot, c'est qu'elle est précise. Margot précise. Mais d'abord, c'est la suite de la bande originale avec vous, Nagui. C'est Margot à mes côtés. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, Margot. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours. Merci, Margot. À tout à ce qui est bien, c'est qu'on s'est arrêté, on n'avait plus d'inspiration. On n'a plus de paroles, surtout. Si on en avait, mais pas c'est Margot Delpierre. À tout à l'heure, Margot. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadoboudali. Bonjour à tous. Frédéric Sigrist, Tom Villa, bonjour. Daniel Morin, Daniel. Le cocktail RTT sera en live. Bonjour, Richard Antoine. Richard Anconina, que vous allez retrouver ce soir sur France 3 dans un téléfilm qui s'appelle La Loi de Christophe. Vous avez été dirigé et filmé par Jacques Malater. Le scénario, on l'a pas dit, de Céline et Martin Guyot. Est-ce que ce sont les mêmes scénaristes que pour toute la série, pour les oui, autres absolument, épisodes oui, aussi absolument. Il y a déjà eu de mémoire Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Daniel Prévost absolument, qui ont incarné des rôles comme ça d'avocats confrontés à des questions de se dire, des questions de morale, les questions de se dire est-ce que je défends ou pas tel ou tel dossier, et puis surtout ce sont des dossiers où chacun peut se projeter en disant ça pourrait m'arriver, dans une espèce de quotidienneté en fait. C'est très bien fait parce que l'avocat il a une partie, malgré tout il a une partie d'enquête parce qu'il a besoin de vraiment de remplir son dossier. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est pour ça qu'on ne peut pas raconter ce qui et se non, passe. Voilà, on peut pas raconter. Il y a un petit côté Columbo et... C'est vrai. Oui, c'est non, voilà. Non, la différence c'est que Columbo, tu sais déjà qui a tué. Oui, mais enfin, dans le, tu le, connais la l'issue façon de mener l'enquête et tu regardes comment l'enquête est menée. Là, on est baladé en même temps que vous et on ne sait pas où est la vérité. Il y a une vraie dimension humaine parce que même le personnage que je joue, Christophe, l'avocat, doute à un moment donné. Se dit, bah, là je suis battu. Et donc nous encore plus. Eh oui, ouais. On est avec lui. Ouais. On est désarçonné, ça c'est bien, parce que souvent dans les fictions policières, dans les fictions policières, on peut aussi se dire c'est un peu cousu de fil blanc, on va savoir exactement ce qui va s'il se passer. Plaît. Mais c'est une intrigue protéiforme. Ils sont totalement allergiques à la langue française. Je suis avec vous. Et on retrouve la tragédie grecque. Leïla, ne lâche rien, Leïla. Non, je lâche rien, de toute façon j'ai l'habitude maintenant, c'est un entraînement au quotidien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est vrai, c'est vrai que c'est la vanne. Et personne ne comprend cette plaisanterie, mais c'est pas grave. Elle a été faite sur l'antenne. Il faut être fidèle. Oui, c'est ça. Sacre bleu. Mais en tout cas, moi, je vous ai trouvé très touchant, Richard Anconina. Je vous ai trouvé très bien dans ce personnage. Et voilà, j'avais envie de vous suivre pendant cette aventure. Mais tu fais bien de lui dire. Mais c'est important, on ne lui a pas dit encore. Mais c'est bien, c'est vrai. Ça passe ce soir sur France 3. C'est aussi. Non, c'est fini. C'est mon van préféré. N'arrête pas de faire ça. Oh là là, et ça permet de me dire. Oui, la différence, c'est que moi, je suis marié. Non, mais j'ai fait ça pour rire. Non. C'est que tu es marié avec tout le monde. Non, mais je donne pas. Elle a quand même sorti votre téléphone. Non. Je donnerai après. Hein. Donc c'est ce soir sur France 3. Voilà qui dit aussi l'humeur de Daniel Morin. Oui, ah, quand même. Bravo Daniel. Alors attention. Attention, Nagui, je suis d'une humeur de petit écureuil malicieux. Eh oui, excellente humeur. Je suis heureux. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Ça arrive. Il y a des matins, je me lève et sans raison, je suis content. J'ai un sourire aussi crétin que figé qui ne veut pas disparaître. Oui, vas-y. Chante, mon Christophe, chante, tu as raison. Eh bien, le bonheur, il était chez moi, dans ma cuisine, où je me tenais nu, une tasse de café dans la main droite, une clope dans la main gauche. Alors, j'étais content, bien sûr, j'étais content pour Fred Sigrist et notre réalisatrice Hélène, quand j'ai entendu qu'on relançait le débat sur la dépénalisation du cannabis. Alors attention, c'est vrai que tout le monde sourit dans les couloirs à l'intérieur. Fred et Hélène prennent du cannabis, ok, ils en prennent plein même, mais ce n'est pas pour des sordides motifs récréatifs hallucinatoires, non, c'est pour raison médicale. Hein. Fred, parce qu'il essaye de devenir un humoriste de droite, ça le stresse, et Hélène, ça calme son Parkinson. Et puis, je suis aussi tout sourire grâce à Alain Juppé. Oui, cette phrase est étrange, mais je sais. Alain Juppé, à qui on peut sans hésiter remettre la palme du tacle politique. Invité hier sur BFM Télé, Alain Juppé a comparé ses déboires avec la justice et ceux de Nicolas Sarkozy en lançant un missile. Le maire de Bordeaux a déclaré « En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. » Ouh ! Bim ! Bim, boum, direct au foie, planchette japonaise, fourchette dans les yeux, bite au cirage. Le tacle nucléaire. Et normalement, là, Nicolas Sarkozy doit boiter toute la journée. Oh la vache, le changement de traitement. Dimanche soir, Nicolas se fait masser le zizi par Karine Le Marchand. Le lendemain, il se fait marcher dessus par Alain Juppé. Est-ce que Nicolas aura la force de lui répondre un truc aussi bien senti du style « Bah, c'est celui qui dit qui y est bah, ». On ne sait pas. Toi aussi, tu le tiens bien. Ah, moi, je le tiens fort. Il est blessé, le pauvre Nico. Ah, bah, il faut être solide, hein, c'est la primaire de la droite. Hein, c'est pas un pique-nique avec oui-oui et Bob l'éponge. Bon, allez, après surtout, la... surtout, on peut se dire que les coups bas jusqu'en... C'est quoi, c'est en mai ou en avril que ça arrivera? Bah, la primaire, c'est en novembre. Non, c'est en novembre. C'est en novembre, la primaire. Ah, les... non, ah oui, les... ah, oui c'est la vrai, primaire, les primaires. En novembre. C'est là, c'est dans 4 jours oui. Le premier débat. D'accord, ok, excusez-moi de me réveiller, je me rendors. Je non, mais c'est pas grave, c'est pas non, grave. Non, vous rendormez pas, je suis là, coucou. Hey, Nagui. Après la galéjade, attention, passons à l'horreur. Mais pas n'importe laquelle. L'horreur absolue. Céline Dion est au bout de la route. Elle a le moral à zéro, elle est mortifiée. La société qui fabrique les poupées Barbie a voulu rendre hommage à la chanteuse qui a le timbre de voix d'une corne de brume. En confectionnant une poupée à son image, le résultat est inattendu. Le corps, ça va, mais le visage. J'aimerais d'ailleurs qu'on mette une photo de cette poupée sur notre site. Mon Dieu, je comprends la pauvre femme, on dirait un croisement entre Chucky, Daniel Evnou et Grishka Bogdanov. Vous verrez, je n'exagère rien, c'est ouais, vraiment ouais. Ça. Elle est méconnaissable. Horrible, horrible. Tu voudrais saboter l'image de Céline Dion, tu ne pourrais pas faire mieux. Tu donnes cette poupée à une petite fille, à coup sûr, elle devient psychopathe, sataniste de majorette. Tu donnes ça à un petit garçon, il devient djihadiste, il se fait sauter habillé en robe lamée en écoutant la BO de Titanic. Tu mets la poupée de Céline Dion dans un champ de maïs, le corbeau il perd ses plumes, il attrape froid, il meurt. Tu mets la poupée de Céline Dion dans l'eau de tes pattes, elle cuise plus vite pour passer moins de temps avec. Je te jure. C'est beau. Pauvre Céline. Et pauvre public de Céline avec ses conneries à tous les coups. Elle va chanter encore plus fort. À demain. Merci. La bande originale. Sur France Inter. Tout à l'heure, vous parliez de Thomas Langman et de musique sur les tournages de Thomas Langman. Oui. J'imagine que pour Star 80, la suite, oui. Qui arrivera l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Au mois de juin, c'est pour l'été, c'est quoi l'idée? Écoutez, pour l'instant, c'est pas fixé. C'est pas fixé? Peut-être fin juin, peut-être novembre. Ah oui. Ah oui, carrément, d'accord. Oui. C'est comme la ville entre Marseille et Nantes. Entre Nantes et Marseille, oui. C'est un peu ça. Star 80, la suite, comment faire une suite? C'est-à-dire Star 90, qu'il y a un rebondissement. Il faut retrouver des Patrick enjeux, une histoire, des enjeux, une colonne vertébrale avec des enjeux un peu compliqués qu'on va avoir, Patrick, Timsit et moi. Et après, on a repris les mêmes chanteurs, on n'a pas fait systématiquement les faces B de Jean-Pierre Madère et de Cookie Ningler, mais ils sont quand même là. Les vrais sont là, et il y en aura d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Il y a des buffs hors antenne, j'ai envie de dire. Il y a des buffs hors antenne, il faut les calmer, parce qu'ils chantent, c'est incroyable, ils chantent tous très très bien. C'est des compositeurs. Ils ont des studios à Toulouse, à Avignon. Patrick Hernandez, il a un petit studio à Avignon, c'est magnifique. Ils ont des voix incroyables et ils chantent tout, sauf leur truc. Ah, mais ils sont lucides alors. Je dis que Jean-Pierre Madère chante bien Disparu, ça, je vois pas l'intérêt. Bien sûr qu'il chante bien Disparu, mais il chante. Il y a Macumba. Bien sûr, mais il chante toutes les choses des Beatles, de Paul Naref, de tout. Vous voulez dire, ce sont des vrais chanteurs. Ah ouais, ils ont des voix incroyables. Sabrina, elle est là. Sabrina sera là. Bonne nouvelle. Boys. Nous voici avec le brouillon de culture de Leïla Kadrobonelli, spécial Richard Anconi. Oui, notre Sabrina, nous. Ah oui, le talent, je salue le talent. Attention à ce que l'intelligence, c'est pas attention. C'est vrai. Richard, je vous sors de la promo. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. On commence par un son, plus précisément une discussion que j'avais à ce micro avec un de nos invités que vous connaissez. La famille Pagnol voulait un acteur qui avait un peu l'accent du Sud. Même carrément, oui. Totalement l'accent du Sud, c'est pour ça que c'est vous, Daniel Auteuil. Ça tient un peu de choses. Hein. Ouais. Et le premier film que vous avez réalisé, c'est... Ouais. C'est Pagnol. C'est Pagnol, donc, oui. C'était normal, quoi. Voilà, c'est Daniel Auteuil évoquant son casting. Manon Dessources. Ouais, Manon Dessources. Et vous aussi, côté casting, qui tiennent parfois à rien, vous en avez vécu un. Vous avez raconté dans une interview un jour qu'il fallait remplacer Daniel Auteuil. C'était C'était au théâtre, à mes tout débuts. Ouais. Il jouait au théâtre avec Maria Pacôme. Mm-hmm. Et puis, voilà, il arrêtait la pièce pour aller au cinéma. Et donc, moi, je débutais, j'avais rien fait. Et donc, il y a un casting qui est annoncé pour le remplacer. Donc, j'y vais. Et j'arrive là-bas, il y avait vraiment un monde fou dans le hall du théâtre. Mm-hmm. Donc j'avais le trac, et puis il y a l'assistant qui nous donne juste la scène à passer. Donc il y a 150 mecs qui sont là assis en train d'apprendre leur texte. Donc j'apprends mon texte, je me mets à l'envers, et tellement c'est compliqué. J'arrive sur scène, je suis sous les projecteurs. Avant que tu répondes, il y a ton réalisateur qui t'appelle sur ton portable. Sous les projecteurs, et j'attends que le metteur en scène, que je ne citerai pas, me voit, et... il dit tout d'un coup, non, attendez, qu'est-ce qu'il sait qui m'a foutu ça sur la scène? Non. Parlant de vous. Ouais. Non, c'est pas, excusez-moi, il a dit, excusez-moi, je comprends que vous ayez envie de prendre votre salade, mais j'ai pas dit un mot. Ah ouais, bah, j'ai appris mon texte par cœur, je suis arrivé sur la scène, j'ai pas ouvert, il connaît même pas le son de ma voix. Il dit qu'on cherche pas des gens comme vous, c'est ça? Ouais, c'est voilà. Ça qu'il a répondu, ça veut lui dire quoi? Je sais pas. Qu'on cherchait pas des gens comme vous. Ben, il ne recherchait pas quelqu'un comme moi. J'étais ensemble. Ah, ben là, je comprends mieux. Là, c'est clair. Non, c'est d'une violence. Qu'est-ce que vous en avez compris sur le moment? On ne cherche pas des gens comme vous, ça veut dire non, quoi? Non, je n'ai pas, j'ai pas compris autre chose que, ouais. Que ce que je ne correspondais pas. Beaucoup de femmes, moi, m'ont dit ça. Hein. Donc ouais, je suis parti. C'était en 78, Richard, 77. Dans ces cas-là, on a envie de pleurer, on se remet en cause, on déteste la personne qui vous adressait cette phrase. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur et dans les tripes? Ça fait mal, mais bon, on m'avait prévenu, on m'avait dit ça sera dur. Donc c'était confirmé. C'est dur de faire ce métier. Et bien justement, restons dans ce domaine, un autre son. En forme, Frédéric. Pas vrai. Et on me le fait à chaque fois. C'est un son que vous n'avez entendu qu'en tant que spectateur, puisque vous n'avez jamais joué dans une pièce de théâtre, si mes informations sont bonnes, puisque vous dites que... Non, une fois. Mais le théâtre, vous dites qu'il faut y aller tous les soirs, parler fort. Ouais. Moi, je peux pas. Déjà, on est à la radio, donc même si vous faites une fois, on l'entend quand même. En tout cas, ça vous a pas plu et c'est pas une expérience que vous avez envie de renouveler. Je suis d'accord, voilà, c'était une expérience compliquée, le texte était difficile. J'ai pas gardé c'était un mot. C'était quoi comme pièce? Une pièce qui s'appelait L'étrangleur sexy, qui avait mis en scène Jean Rochefort, avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Lecoq et Marie-Christine Descoings, une pièce d'Éric Nagard. Et voilà, j'ai un souvenir difficile. J'ai pas apprécié. Et donc vous allez maintenant au théâtre juste par amitié pour voir les copains, mais même ça vous... J'aime voir le théâtre. Ouais. J'ai adoré plein de pièces. Ouais. Aller voir Bruno Solo et déclencher un fou rire pendant qu'il est sur scène. Ouais, je vais y aller. Mais je vais aller voir aussi Kalmerade et Aristrup dans la pièce de Duringer. Non, j'aime le théâtre, j'aime le voir. Après, je suis pas, pour l'instant, je sais pas si je saurais le faire, moi. Il y aurait une pièce, un rôle qui pourrait vous faire changer d'avis? Oui. Par exemple? Une très bonne pièce, un très bon rôle avec des super acteurs. Ah, celle-là. Bah, c'est celle-là. Pardon, c'est pas gentil pour les autres, c'est-à-dire que... Bah, et on ne les a pas proposés. Non, on ne les a pas proposés. Ouais. Non, pas du mais tout. Par exemple, le prénom, vous auriez... Le prénom, c'est l'exemple que je donne. Ouais. C'est brillantissime. Mm-hmm. C'est écrit extraordinaire. Patrick, enfin, tous les acteurs sont formidables. Et voilà, quand c'est une pièce comme ça, tu vas tous les soirs, tu sais que tu vas passer un bon moment. Un bon moment avec les gens. Alors moi, en fin d'émission, je propose toujours un conseil culture, un cadeau à notre invité. Ça, pour c'est vous, cool. Richard. Et des sucreries au Anguanina, public aussi. Absolument. C'est L'Éléphant, la revue de culture générale. C'est une revue que j'aime beaucoup. C'est un trimestriel. Donc là, c'est le numéro d'octobre qui vient de sortir avec un gros dossier consacré à Georges Brassens. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Avec tout un dossier qui nous permet de redécouvrir un petit peu l'inspiration de cet homme. Et il n'y a pas que de la chanson. Il y a des dossiers sur l'épigénétique, par exemple, si la science vous intéresse un peu, sur l'art, Rembrandt, des extraits philosophiques aussi. C'est cette petite revue L'Éléphant que j'ai le plaisir de vous offrir, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Laïla. Voilà. Je crois qu'il y a un numéro. Je mets toujours la première page. Là, j'ai peut-être dit page 2. La dernière page, c'est le digicode. L'album de Tété s'appelle Les Chroniques de Pierrot Lunaire. C'est l'histoire d'un ange des cheveux. C'est des cadeaux, c'est ça. Question du jour, c'est salutaire. Qu'ai-je fait de mon Pierrot Lunaire? Ce Pierrot Lunaire avec qui vous allez voyager, celui qui a du mal à se confronter à notre réalité. La réalité n'est pas mes frères. une armée régulière. J'ai croisé ses yeux dans ma rue hier. Elle voulait pas l'histoire qui va suivre t'es familière. Ça parle évidemment d'amour. C'est une peignée de lumière qu'on vous donne quand ça va mieux. L'amour à nos cheveux. À nos chevets, pardon. Cheveux, ça va pas n'importe quoi. À nos cheveux. Il est en tournée. Il est en tournée. Je savais qu'au premier coup pas. Ça n'allait pas te louper. Les imitations qu'on a achetées quand même, elles marchent pas bien. Ça s'appelle une famille donc. C'est comme ça que ça se passe. Le 29 octobre, il sera à Langan. Le 10 novembre à Samoa. Puis la tournée passera par le 15 novembre Tourcoing. Le 16 novembre à Nancy. Le 18 novembre à Marseille. Le 19 à Nice. Le 25 à Lens. Le 28, 29 et 30 novembre. Trois soirs au Café de la Danse et la tournée reprendra avec Brest le 3 décembre, Toulouse le 8, Bordeaux le 9, Nantes le 10 décembre et Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise. Ça sera le 19 mai prochain. Tété est à nouveau dans le Val d'Oise, est à nouveau avec nous en live, accompagné par Thierry Fanfan à la basse pour Persona non grata. Commencé l'autre jour en sortant de ma douche, champ de vision qui se bouge, des accents de bande touche, comme une odeur de sapin, funeste faisceau d'indices. Ce n'est pas encore la fin, mais j'en sens les prémices. Envie de chanter des sonnets, des cantiques habités, mais la magie est à quelle génialité. Pas de répit pour ma peine, je décède chaque fois qu'une feuille vierge étaye ce sinistre constat. Persona non grata. Ma plume ne veut plus de moi. Persona non grata. Page blanche du trépas. Persona non grata. Pour qui donc sonne ce glas? Persona non grata. Me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre je dois. Je me suis trompé de mode, ok, mettons. J'ai beau retaper le code, mais personne ne répond. J'en ai parlé en haut lieu, où se mentir pour le mieux. Je suis comme un 6K104, mais ça, les classiques s'en battent. Sera, ne vois-tu rien venir, ni muse, ni supplément. Rien pour sauver mon empire, me refaire tranquillement. Mettre un terme à mon calvaire, faire le lit du salut. Gommer d'un trait ces faux airs de poète disparu. Persona non grata. Ma plume ne veut plus de moi. Persona non grata. Page blanche du trépas. Persona non grata. Pour qui donc sonne ce glas? Persona non grata. Me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Eureka Julie trouvé. Notre âme rêvait du bonheur, celle d'une minose à boire qui ne mérite pas son auteur. Je connais bien le sujet, j'en saisis les moindres aspects. Persona non grata, c'est quand on ne veut pas de toi. Persona non grata, ma plume ne veut plus de moi. Persona non grata, page blanche du trépas. Persona non grata, pour qui donc ça ne se glace. Persona non grata, me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. Me reprendre je dois. Où soupe c'est pour l'emploi. En tout cas, ici, vous êtes persona grata. Merci. Totalement grata. Tété, l'album s'appelle Les Chroniques de Pierrot Lunaire. Allez l'applaudir sur scène. Merci mille fois, Tété. Merci Thierry Fonfon d'être venu à l'heure pour cette bande originale. On n'a pas le temps pour la cascade de questions, mais par contre pour des excuses, oui, Daniel. Désolé pour Bruno Solo, dont le professionnalisme a été honteusement salopé par Richard Anconina. Franchement, heureusement qu'il est décédé, le pauvre. Désolé, désolé pour les critiques cinéma dont le travail a été honteusement salopé par Nagui. Et oui, pour le cinéphile d'Alexandrie, la carrière de Depardieu se résume à lâcher des caisses. On appelle ça l'expertise du Caire. Désolé pour Voici, Closer, Oups ou encore Public qui ont cru que Leïla Kadour Boudadi allait sortir un torchon Aragon nommé Ciao Pantin. Non, c'est juste sa langue qui a fourché. Ouais, Ciao Pantin. Pantin. Ciao Pantin. D'habitude, elle maîtrise plutôt son appendice, mais là, ça n'a pas réussi. Non, non. Ciao Pantin, Ciao Pantin, Ciao Potiche, oui. Nous sommes en bois, non. Merci, merci Richard Anconina d'être venu. Donc j'imagine que vous serez bientôt dans la salle de l'Heureux Élu où Bruno Solo y joue avec Yvan Le Bolloc au Théâtre de la Madeleine et acting aussi Cadmera, Denis Arestru, Patrick Bosso. Ça se joue au Bouffe Parisien. Exactement. De Céline Duranger. Donc un pote, j'ai l'impression. Hein. Oui. D'accord. Et on vous retrouve ce soir sur France 3 pour La Loi de Christophe. Bonne journée, Richard Anconina. Portez-vous bien. On se retrouve demain avec Jean Tellet et tout de suite Philippe Bertrand sur les antennes. Oui, salut les amis. Salut, salut Philippe. Salut. Je me suis régalé à vous écouter. J'ai tété l'émission comme du petit lait. Oh. Et puis alors, la modestie, la sincérité de Richard Anconino. Ouais. C'est qui? George Michael. Un lointain cousin de Richard Anconina, ouais. Le vrai. Ouais, son film dans l'industrie du papier va faire, à mon avis, un carton. C'est tout ce que joli. Bonne émission, parce qu'il est l'heure. Ouais, je sais. C'est l'heure. Ah, c'est dommage, j'aime bien parler avec lui. Oui, moi aussi. On peut continuer un petit peu. Salut, mes chéris. Salut. À demain. Bisous. Salut, Frédéric. Salut. Il est bon. Salut. Ah, super. Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 166 millions d'euros. Imaginez. À partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. France Culture présente Partir, un hors-série du journal Le Monde. Du Brexit à la crise des migrants, les départs font l'histoire des peuples et nourrissent l'actualité. Partir, un hors-série qui analyse les exils forcés, mais aussi les espérances et les voyages d'aventure. Une coédition France Culture, actuellement disponible en kiosque. France Culture, une radio de Radio France. Dimanche 16 octobre, soir de première à la Maison de la Radio. Dites-moi que je suis belle. L'Opéra Comique, Radio France et France Culture présentent Monsieur Bocquer, un opéra radiophonique. Une création sonore originale, avec sur scène l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France. Chanteurs, comédiens et bruiteurs. Le 16 octobre, à 16h, à la Maison de la Radio, venez savourer cet opéra romantique et son épineux triangle amoureux. Réservation maisondelaradio.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le Festival Lumière 2016. Un festival de cinéma pour tous jusqu'au 16 octobre. Le prix Lumière 2016 sera décerné à Catherine Deneuve. Découvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma. Près de 400 séances dans la métropole de Lyon, présentées par de nombreuses personnalités. Retrouvez aussi On aura tout vu en public au Festival Lumière, ce samedi à partir de 10h sur France Inter. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, avec l'UFC Que Choisir, le mouvement de consommateurs de référence. Retrouvez et rejoignez l'association locale la plus proche sur quechoisir.org.